بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، voici notre assise autour de la Risala de son éminence Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, des leçons importantes pour le commun de la communauté ou pour la généralité de la communauté. Nous sommes dans le passage où Cheikh rahimahullah ta'ala a réservé aux piliers de l'islam, et après avoir parlé grosso modo le premier pilier qui est la ilaha illallah, nous avons vu aussi la signification de la prière. Nous avons fait le tour général en ce qui concerne la prière, et nous avons parlé un peu aussi de la zakat, et que la zakat doit être donnée à 8 catégories de personnes citées dans le verset, et qu'il est de la valeur de 2,5% quand la personne a atteint le quota. Il faut savoir que le quota concernant l'or, il est de 85 grammes. Concernant l'argent brut, c'est-à-dire le minerai, il est de 595 grammes. Et la zakat est obligatoire aussi dans ce qui est toutes les marchandises commerciales et dans la fortune que nous avons. Hein? Et aussi, il concerne toutes sortes de commerces. Et chaque fin d'année, le commerçant, il doit faire l'estimation de sa marchandise et sortir les 2,5%. Et on verra en détail, un peu quand on étudiera dans le fiqh la prière et les piliers de l'islam en détail, on verra à ce moment-là les quotas, comment ils se font. Et on s'arrêtera sur les détails quand on étudiera le fiqh, Inch'Allah. Il faut savoir que les conditions de la zakat, c'est d'abord l'islam, que la personne doit être musulman, il doit être libre, il doit posséder le quota, et il doit avoir ce quota et cette fortune sous sa main. Et il faut qu'il y ait l'année qui est tournée sur ce quota. En ce qui concerne le commerce, c'est un peu plus particulier. Et on sort la zakat aussi sur le troupeau de moutons, le troupeau de vaches, le troupeau de chameaux. Quand ces troupeaux sont nourris dans le pâturage, c'est-à-dire on les nourrit pas, on n'achetant pas leur nourriture. Et si il arrive que l'élevage il se fait à l'étable et que on le nourrit pour le commerce, dans ces cas-là, ils font partie de la marchandise commerciale, on doit sortir le nessab, on doit sortir la zakat. Et pour ce qui concerne les dromadaires, les quotas, pour il faut avoir 5 dromadaires pour sortir. Il faut, au niveau des vaches, il faut avoir 30. Au niveau du mouton, il faut avoir 40, et ainsi de suite. Et il y a, pour chaque catégorie, qu'est-ce qu'il faut sortir, etc. Et en ce qui concerne le commerce, tout ce qui est préparé comme marchandise, que ce soit des animaux, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, elle doit être estimée à la fin de l'année, et sortir les 2,5% sur la valeur. Et que sa valeur au début de l'année, à la fin de l'année, quand on fait le compte, il est plus élevé que quand on l'a acheté, peu importe, on doit sortir. Ou qu'il soit moindre, on doit sortir les 2,5% dans un détail qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et il est aussi très important de savoir que même les bijoux des femmes, dont la parole la plus forte des hommes de science, une fois qu'ils atteignent le quota 85%, 80 grammes de poids de bijoux, il doit être sorti la zakat tous les ans. Et si ce sont des bijoux en argent, quand il atteint 595 grammes, il faut sortir la zakat dessus. Hein? Et après la zakat, il ne reste quoi? Il ne reste le cinquième pilier de l'islam, qui est le quatrième pilier de l'islam, qui est le mois de Ramadan. Ramadan est une des obligations de l'islam. Ramadan est très important Et d'un des grands des piliers importants dans l'islam, puisque dans le verset il est dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été ordonné le jeûne comme il a été ordonné à ceux avant vous, ainsi vous allez atteindre la piété, c'est-à-dire en jeûnant, en s'acquittant de cette obligation, vous allez atteindre la piété, car c'est l'adoration qui permet à la personne d'atteindre la piété et d'atteindre taqwa. Et donc, pendant le jeûne, le musulman s'entraîne à se maîtriser et à écraser son nefs et à arrêter les tentations de son nefs dans un moment donné bien précis. C'est pas comme il veut, du lever du soleil, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Et pas comme veut la personne, avec une intention. Et le jeûne, il a beaucoup de vertus. Que ce soit au niveau de l'âme, ou au niveau de la santé, du corps de la personne. Et aussi, le jeûne, il permet aux musulmans de sentir la douleur de la faim de ceux qui sont, des autres musulmans qui sont dans le besoin. Ou des personnes qui, les jours passent, ils n'ont pas de nourriture. Comme on le voit à travers le monde, où les gens, ils peinent pour avoir à manger. Donc, ceux qui sont aisément nourris, etc., pendant, quand ils accomplissent le jeûne, et quand ils prennent la leçon de ce jeûne, ils se rendent compte, et de ce fait-là, la piété va les habiter, ils vont se pencher sur le sort de ces nécessiteux. Et le mois de Ramadan est le meilleur des mois, et le mois qui a le plus de vertu. Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il a descendu le Coran. Et c'est le seul mois qui a été cité par son nom dans le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Le mois de Ramadan durant lequel a été descendu le Coran. Sinon, les autres mois, ils ont été cités. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de 12 mois dans le Coran. Et certains mois, il a dit deux que ce sont des mois sacrés. Mais Ramadan a été cité par son nom. Cela prouve l'importance de ce mois. Et dans ce mois, il y a une nuit qui est mieux que 1000 mois. Et durant laquelle a été descendu le Coran vers Beit al-Izza dans le ciel, dans le premier ciel, dans le ciel de dans sa main, Dunya, le ciel de ce bas monde. Et après, durant 23 ans, le Coran a commencé à descendre par l'intermédiaire de Jibril sur Mohammed alayhi salam. Et le jeûneur, celui qui jeûne, qui accomplit le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Si son jeûne, il le fait parfois en Allah Azza wa Jal, et en volant la récompense min Allah Azza wa Jal, et il accomplit son jeûne comme il se doit, comme il a été rapporté authentiquement dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa man qama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. » Muttafaqun alayh. Et comme il est rapporté par Al-Bukhari, par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, rahmatullah alayhim, du hadith d'Abi Huraira, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois on Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sera pardonné son péché. Et celui qui accomplit le mois de Ramadan, c'est-à-dire les prières nocturnes du mois de Ramadan, parfois on Allah azza wa jal, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, voulant la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala, lui sera pardonné ses péchés. Et celui qui accomplit la nuit du destin, parfois on Allah subhanahu wa ta'ala, voulant la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala, et il le fait sincèrement pour Allah, il lui sera pardonné ses péchés. Et ceci est très important. Donc il est des devoirs du jeûneur de préserver son jeûne, d'éviter la médisance, le fait de colporter, le mensonge, le fait de écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé, et de faire attention à toutes sortes d'interdits, de choses qui sont interdites. Et il lui permet, il fait partie de la sunna de son jeûne, durant le mois de Ramadan, de lire beaucoup le Coran et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, de faire la charité, de donner de l'aumône et de faire beaucoup d'efforts dans les adorations, surtout les dernières nuits du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits. Et comme disent les hommes de science, le mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, mais l'un des piliers sur lequel se bâtit la religion. Hein? C'est un moi qui est énorme. C'est une adoration qui est énorme. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5. L'attestation qui n'est digne d'être adoré qu'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de faire son pèlerinage, le fait de jeûner le mois de Ramadan. Hein? Et pour Muslim, dans la version de Muslim, rahimahullah, il ramène le jeûne avant le pèlerinage. Et l'unanimité des musulmans sur l'obligation du mois de Ramadan. Ah, c'est une unanimité. Et ça fait quelque chose d'obligatoire dans la religion. Celui qui rejette l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il a mécru. Il doit se repentir. S'il se repent, ou alors sa sentence, c'est qu'il doit être subir la sentence. Il doit être tué par le gouverneur. En apostat, en mécréant. Et il ne doit pas être lavé, ni on prie sur lui, ni on lui fait des invocations de clémence. Il doit être enterré pour ne pas que son odeur ne fasse pas du mal aux gens. Hein? Celui qui rejette l'obligation du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, son obligation a eu lieu durant la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire l'an 2 de l'Hégire. Hein? Et donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois. C'est-à-dire 9 ans, 9 jeûnes. Et le jeûne du mois de Ramadan, il est passé par des étapes. La première étape, c'est que les premiers musulmans avaient le choix entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner et de nourrir des mendiants, de donner de la nourriture. Tout en mettant en avant comme quoi le jeûne c'est mieux que le fait de nourrir. La deuxième étape, c'est que le jeûne est devenu obligatoire sans qu'ils aient le choix. Et par le verset qui dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui voit le mois, il doit le jeûner le mois de Ramadan. Hein, celui qui voit le croissant lunaire du mois de Ramadan, il doit le jeûner. Et celui qui est malade ou en voyage, les jours qu'il n'aura pas jeûné pendant son voyage, pendant sa maladie, il doit les rattraper. Donc ici, on voit que le mois de Ramadan est devenu obligatoire. Ils n'avaient plus le choix. Et le mois de Ramadan ne doit pas être commencé avant que le mois ait apparu. C'est-à-dire avant la rentrée du premier jour du mois de Ramadan. On ne jeûne pas un jour avant ou 2 jours avant par précaution. لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم رواه الإمام البخاري. Et parce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit que quelqu'un parmi vous ne devance pas le jeûne avec qu'il jure pas un jeûne ou 2 jours avant, c'est-à-dire avant l'apparition du croissant lunaire. Seulement si un homme, il avait une habitude de jeûner un lundi ou un jeudi, etc. Et que ça coïncidait là, si le jeûne, lui, fait son surrogatoire, il n'a pas volontairement volé ce jour-là jeûner ce jour-là par précaution. Mais il jeûne son surrogatoire, il n'y a pas de mal, il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et le mois de Ramadan, comme tout, toutes les adorations et les piliers, hein, il a des conditions. Ce qui va rendre obligatoire, les conditions qui vont rendre obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, c'est que les personnes doivent être musulmans. Il ne sera pas accepté d'un mécréant. C'est d'atteindre l'âge de puberté et d'avoir la raison, de ne pas être fou. Et la capacité et la force pour jeûner, car celui qui est incapable de jeûner parce qu'il est trop vieux, il ne peut plus. Il a une maladie qui ne. On ne peut pas espérer qu'il va guérir. Et s'il jeûne, sa situation s'aggrave. Lui, il jeûne. Il nourrit pour chaque jour un mendiant. Hein? Parce qu'il fait partie de ceux qui ne le peuvent pas. Hein? Et donc, les conditions de l'obligation sont au nombre de 4 ici. L'islam, atteindre l'âge de puberté, la raison et la force et la capacité de pouvoir jeûner. Et les conditions de validité du jeûne, l'islam, le fait que la femme n'a plus ses menstrues et n'a plus ses lechis, parce que la femme qui a ses menstrues et ses lechis ne doit pas jeûner, le fait de faire la part des choses, tamyiz, c'est-à-dire que le jeune garçon ou la jeune fille doit faire la part des choses, doit savoir les choses pour que son jeûne soit valide. Et la raison, et aussi l'intention pour les jeûnes obligatoires, l'intention doit être nouée avant l'aube. Pour le surrogatoire, il n'y a pas de problème jusqu'à ce que la personne se réveille, il peut nouer pour le surrogatoire. Même après le lever du soleil, du moment qu'il n'a pas mangé entre le fajr et le lever du soleil. Mais pour ce qui est obligatoire, la nuit doit être avant le fajr. L'intention doit se faire avant le fajr. Et l'intention, on ne la prononce pas. L'intention se noue dans le cœur. Le fait de la prononcer est une innovation. Et nous passons au cinquième pilier de l'islam, qui est le fait de faire son pèlerinage au lieu à la maison sacrée, à Baytullah al-Haram. Il est obligatoire pour ceux qui en ont les capacités. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dans Sourate Al-Imran, verset 94, il est obligatoire, Allah a fait obligatoire le pèlerinage vers sa maison, vers le Bayt, vers Mecca, pour ceux qui le peuvent. Et l'obligation du pèlerinage, le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie. Ainsi que l'Umrah. Et ils sont obligatoires pour le musulman, doué de raison, qui a sa raison, qui est libre, qui a atteint l'âge de puberté et qui peut. Et le pèlerinage, il est valide d'un enfant, mais il faut qu'il ramène, une fois qu'il atteint l'âge de puberté, il faut qu'il ramène son pèlerinage de l'islam, s'il le peut. Et la femme qui n'a pas de mahram pour l'accompagner, c'est-à-dire un homme qui n'a pas le droit de se marier avec elle, comme son fils, comme son mari, son père, ou quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle, s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, le hajj n'est pas obligatoire pour elle parce qu'il lui manque une condition. Et il fait partie de ceux qui ne le peuvent pas, puisqu'il n'a pas l'homme, qui doit l'accompagner, qui est son mahram. Et son mahram, c'est soit son père, soit sa mère, soit son père, soit son mari, soit son frère, soit son fils, etc. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit à la femme de voyager sans mahram. Un homme était inscrit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam pour faire le jihad et pour partir avec une troupe pour le jihad. Et il s'est levé, il a dit à Rasulallah, ma femme est partie faire son pèlerinage avec les gens et moi je suis dans tel groupe pour le combat. Rasulallah lui a dit, va rejoindre ta femme et va faire le pèlerinage avec ta femme. Pourtant ce sont des nobles compagnons qui sont partis avec elle. Mais l'interdiction, il est clair et net, comme quoi la femme ne doit pas voyager toute seule, sans mahram, même si c'est pour le pèlerinage. Même si c'est pour le pèlerinage, et qu'on ne doit pas gober ce que font certaines personnes. Oui, mais il est avec un groupe de confiance, il est avec ceci, tout ceci. Et qui est plus digne de confiance, les compagnons ou nos contemporains aujourd'hui? Pensez. Et pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon, va, fais le pèlerinage avec ta femme. Et le pèlerinage est un lieu de rencontre, est une grande rencontre durant laquelle vont se réunir les musulmans. Ils vont venir de tous les pays. différents coins de la terre, différentes nationalités, couleurs, langues. Ils sont habillés de la même façon, ils s'arrêtent, ils font les mêmes rites, au même jour, même endroit. Hein? Il n'y a aucune différence entre le grand, le petit, le noir, le jaune, le riche, le pauvre, le blanc, ils sont tous uniques. Comme il est dit dans le verset Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dans sourate Al-Hujurat, il est dit, verset 13, ô gens, nous vous avons créés, hommes et femmes, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Les meilleurs et les plus nobles et les plus honorables parmi nous, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici là où il y a la différence, dans le fait de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un hajj bien accompli, hein, et accompli comme il se doit, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et selon les conditions, sa récompense, c'est le paradis, comme il a été rapporté dans les authentiques d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda. Il le rapporte directement au prophète alayhi salatu wasalam. Il dit l'umra ila l'umra kaffaratu lima baynahuma wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Et dans ce hadith authentique, Abu Huraira de nous dire la umra vers la umra, il expie les péchés qui entrent. C'est-à-dire les petits péchés qui entrent une umra et une autre umra, ils sont expiés. Et le hajj fait comme il se doit et accomplit comme il se doit pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'a d'autre récompense que le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire le pèlerinage pour ses serviteurs. Il a fait que ce soit un des piliers de l'islam. Et comme il est dit dans le verset, Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Et donc, comme il est dans le verset, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a transcrit le pèlerinage vers sa maison, pour ceux qui le peuvent. Et dans le hadith du prophète, alayhi salatu salam, l'islam est basé sur 5, il fait partie du 6-5, le pèlerinage. Et regardez maintenant l'importance que donne Omar ibn Khattab et les compagnons à ce pilier. Rawa Sa'id fi sunanih, an Omar ibn Khattab annahu qal, لقد هممت أن أبعث رجالا لهذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. Il a été rapporté par Saïd dans ses sunan qu'Omar ibn Khattab a dit, hein, j'ai failli envoyer un homme dans six pays, c'est-à-dire que dans les pays qui ont été conquis à l'islam, pour regarder la situation des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas fait leur pèlerinage, qu'ils doivent donner la zakat, qu'ils doivent donner la jizya, le dîm, c'est-à-dire l'impôt que donnent les gens du livret, hein, pour être protégés dans les pays de l'islam. Et il dit dans le hadith, ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Et Ali radiallahu anhu arda, on rapporte de lui qu'il a dit, celui qui est capable de faire le pèlerinage et qu'il l'a délaissé, ça ne fait rien qu'il meure en juif ou en chrétien. Ainsi l'importance du pèlerinage à l'islam, si tu as les moyens. Et celui qui a les moyens matériels et physiques, tout étant, hein, et il a tous les moyens, et qui n'a pas fait encore son pèlerinage, doit faire très vite pour le faire à l'islam. Parce qu'il a été rapporté chez l'imam Ahmad ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ajjalu ila al-hajj, yani al-farida, fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah. Et Abdullah ibn Abbas nous rapporte ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam, où le rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites très vite votre pèlerinage, c'est-à-dire l'obligation, le pèlerinage obligatoire pour vous, le pèlerinage de l'islam, car quelqu'un parmi vous, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et le fait de s'acquitter du pèlerinage est obligatoire tout de suite en ce qui concerne ceux qui ont les moyens. Parce que le verset cité en haut, il est très clair. Et à la fin du verset, il dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala transcrit le hajj de sa maison, pour ceux qui ont les moyens, et celui qui me croit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin des mondes. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم. Et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام dans sa khutba où il a dit عليه الصلاة والسلام hein, aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour vous le pèlerinage. Faites le pèlerinage. Et aussi, hein, d'autres hadiths. Hein? Et il est aussi pour ceux qui ont les moyens de faire beaucoup de hajj, beaucoup d'umrah, comme surrogatoire, parce que il y a beaucoup de bien. Il y a le fait que une umrah, une autre umrah expie les petits péchés qui entrent. Et un pèlerinage bien accompli, sa récompense, c'est le paradis. Et en plus de ça, en allant faire l'umrah et le hajj, on profite beaucoup. On profite dans les assises d'hommes de science. On voit les hommes de science, comment ils enseignent, leur comportement, leurs conseils. On pose des questions sur tout ce que nous avons comme ambigu, etc. Le pèlerinage est quelque chose de très important. Et le pèlerinage, comme toutes les adorations, il a six conditions. Les conditions de l'obligation du pèlerinage, l'islam en premier, parce que il ne sera pas accepté du mécréant. De ne pas être fou, d'avoir une raison complète. L'âge, d'atteindre l'âge de puberté. Et même si le petit fait son pèlerinage, il est accepté de lui, il est bien. Mais ça ne remplace pas son pèlerinage de l'islam, son pilier. Il faut aussi être libre. Et avoir, cinquièmement, avoir la capacité au niveau de sa santé, au niveau de son argent. Et la femme, il a une autre condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un haram pour elle. Sinon, le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Il n'est pas permis à la femme de faire son pèlerinage sans son haram. Pourquoi? Parce que le hadith, il est clair. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, « La tusafir umra'atun illa ma'a mahram. » Une femme, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne doit pas voyager sans son haram. هكذا فخرنا الله عز وجل ها اي دونك الاسلام ce sont les cinq piliers de l'islam qu'a cité Cheikh dans ce passage hein, et ça ce sont les cinq piliers mais dans l'islam il y a d'autres choses qui doivent exister dans la vie des musulmans ça c'est les piliers c'est la fondation hein et fait partie des choses qui doivent exister entre les musulmans dans les sociétés musulmanes, c'est le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la description à cette communauté en étant la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister. Pourquoi? Parce qu'il ordonne le bien et il blâme le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ce qu'il dit dans le verset, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal et vous croyez en Allah. Certains pieux prédécesseurs de Dwan Allah alayhi wa sallam, celui qui veut être parmi les meilleurs de cette communauté, il doit s'acquitter de la condition pour être parmi les meilleurs de cette communauté. Ordonnez le bien et blâmez le mal. Il y a aussi d'autres choses dans l'islam. Hein, la charité, le fait de sourire dans le visage de ton frère, le fait de propager salam, le fait d'aider le nécessiteux, le fait d'aller visiter tes frères malades. Il y a beaucoup de choses qui font, hein, qui constituent cet édifice, qui est l'islam, qui est basé sur ces cinq piliers, dont le plus fort de ces piliers, qu'il faut maîtriser et qu'il faut accomplir, ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ni digne d'être suivi que Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est notre attestation de foi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La prière qui est la colonne vertébrale de cette religion. La zakat qui est le frère siamois de la prière qui sont inséparables. Et le jeûne Après, il y a le pèlerinage et toutes les autres recommandations dans l'islam et tous les actes que Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseignés. Et nous allons arrêter ici, incha'Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khayran. Et...